J'sors de mon zoo, j'regarde le ciel. J'sors de Fleury, j'enflamme le ster. J'prends le raté devant les backers. J'frotte son poule, puis j'fais un feu. J'économise tous les hippies. J'ai mal au ventre, sa mère. J'ai le regard haineux dans la ville. J'vis ce que t'inventes, sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. J'finis Claude Merlin, j'm'amuse, fini au bord de la mer. Ok, j'm'embête. J'suis le calme qui traverse la tempête. En fait, pour laquelle jamais juste à l'envers. Ouais, ouais, lou, ouais, ouais, lou, ouais, ouais, lou, ouais, ouais, lou, nada. J'sors du zoo, j'sors du zoo, j'sors du zoo, j'sors du zoo, madame. J'sors du zoo, madame. J'sors du zoo, madame. Lundi, j'vends, mardi, j'vends, mercredi, j'vends, jeudi, pénurie, jeudi soir, j'vais chez Cher, vendredi, j'vends, samedi, dimanche, j'vends, pour la mif, dans la vallée, olé, olé, les mains salies, olé, olé, que la femme, olé, olé, à l'infini, olé, olé, ouais, ouais, olé, olé, olé, olé, olé, olé, ouais, ouais, ouais. Que la famille, que la famille, que la famille, que la j'pose famille. J'pose un pied à terre, bismillah, nouveau day. Bismillah, nouveau day. On n'aime pas se mélanger, on est grave démodé. Ego du premier kill, à la dernière bouteille. Plus chivas que Oni, que la mif la cosa. Plus mani que Tony, plus Tony que Sosa. Ok, fais pas la tête, ça pue la défaite, on kiffe se relever. Leur tête, près de la braquette, pareil à sucer si le hood se refait. 2-3 carottes choco. Validé par ton crâne. La lumière s'éteint un peu trop tôt. Ego, j'rallume le cul de ma lame. Au-dessus des lois pour la gamelle. Le code pénal sous la semelle. Nique le week-end, nique la semaine. J'attends de voir où cette petite voie nous mène. Ego, j'dois rester moi, t'inquiète, j'veux pas la ressembler. J'aime pas l'humour de l'inspecteur, j'dois faire cette monnaie. Olé, olé. J'casse à toi mon ami, j'ai décollé. Titulaire sur la rata à poney. Ouais, salut mon vieux, tu nous reconnais. Pas changé, toujours pas d'amis. Ceux qui manquent sont déjà partis. Ou au fond de la grotte, pas à l'abri de les rejoindre à Paris. Si on change pas de vie. Lundi, j'vends. Mardi, j'vends. Mercredi, j'vends. Jeudi, pénurie. Jeudi soir, j'vais chez Cher. Vendredi, j'vends. Samedi, dimanche, j'vends. Pour la mif, dans la vallée. Olé, olé, les mains salies. Olé, olé, que la femme, olé, olé, à l'infini. Olé, olé, ouais, ouais. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, ouais, ouais, ouais. Que la famille, que la famille, que la famille, que la famille, que la famille, que la famille, que la famille, que la famille.